théâtre sur Fadjet avec Julia et Rodolphe. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. C'est l'émission Coup de théâtre. Je suis Julia, la co-animatrice de cette émission, et je suis accompagnée de Rodolphe. Salut. Salut Julia, salut à tous. Et tous les mois dans Coup de théâtre, j'ai la voix enrouée un petit peu, non ? Ça va. Non, ça va. Ça fait un peu viril. Enfin bon, tous les mois dans Coup de théâtre, nous accueillons une comédienne ou un comédien de la scène internationale ou régionale, ça dépend. Mais aujourd'hui, c'est international puisque c'est Caroline. Salut Caro. Salut. Caroline Laurent, on précise. Oui, et ça, c'est un sacré nom de scène, hein, je peux vous dire. Ah ouais, c'est très très original. Il n'y en a pas beaucoup, les Caroline Laurent. Bah, vous allez googliser Caroline Laurent, vous verrez. Est-ce que tu peux te présenter très très rapidement, là, qui es-tu ? Eh ben, je suis Caroline, je viens d'avoir 42 ans, ça y est, je le dis. C'était hier, mon anniversaire. Oui. Je suis Lorraine d'origine, parce que je suis née dans un petit village pas loin de Nancy, et j'en suis partie quand j'avais l'âge de un tout petit peu avant 20 ans. Pour vivre une vie absolument dingue à Paris, à Lille, à Nantes. Et je viens de revenir à Nancy il y a tout juste un an. Et j'en suis hyper contente, figurez-vous. Elle t'avait manqué ? Ouais, ça m'avait manqué. Et sinon, quoi dire ? Bah écoutez, je fais de l'impro. Vous avez besoin de savoir quoi, en fait ? Parce que je peux partir sur une heure. Non, ça serait dommage que tu dises trop de trucs. Et ben voilà, ouais. J'arrête là alors. On va regarder pour le reste de l'émission. Voilà. Tu fais de l'impro donc. Merci. Super. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Voilà pourquoi il fallait pas que tu en dises trop. Alors Caroline, je vais te poser des questions en mode portrait chinois et si tu étais quelque chose et tu me réponds ce que tu serais. Oh ! Tu as compris, par exemple, si tu étais un lieu. Si j'étais un lieu. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ah, c'est. Franchement, Paris. Ah ouais ? Ouais, j'adore notre capitale. Hein. Si tu étais une catégorie d'impro. La catégorie chanter, j'adore. Tu aimes chanter ou tu aimes entendre les gens chanter ? Alors, ça dépend qui. D'accord. Par exemple, dans le studio, là. Je pense pas que tu as envie de m'entendre chanter. Mais tu m'as déjà entendu chanter ? Oui. Ah. Oh bon ? Mais pas sur scène. Ah. Ah oui, mais si c'était en after, c'est pas pareil. Elle nous pose un. Ah, tu m'as entendu. Bon, on va en parler après. Hors antenne, c'est peut-être. Si tu étais un défaut. Alors, un défaut que tu as et que tu aimerais plus avoir, on va dire. La ponctualité, enfin le manque de ponctualité. J'ai un problème avec le temps, globalement. Je comprends pas le temps qui passe, mais pour de vrai. Hein, j'ai vachement envie de surtout pas faire attendre les gens, d'être à l'heure, etc. Et je calcule toujours le temps de trajet. Et ça marche pas. Ça marche jamais. Mais c'est peut-être parce que tu calcules le temps de trajet que tu pars en retard. Non. Ah oui, le temps que tu passes à calculer. C'est ça que je dis. Arrête, c'est ça que je veux dire. Je passe à calculer, c'est ça. C'est les 3-4 minutes de retard que j'ai. Le moment où tu devrais partir, tu commences à calculer le temps. En fait, c'est ça. Faut que j'intègre dans mon calcul du temps le calcul du temps. Fais-le la veille. Ouais. Ouais, c'est ça. Si tu étais un ou une méchante, un méchant ou une méchante, de fiction évidemment, puisque. Alors ça, c'est compliqué parce que je. Ça fait hyper bisounours ce que je veux dire, mais vraiment, j'ai pas la méchanceté. La colère, c'est pas un truc que je convoque si souvent que ça. C'est pas grave. À la limite, je serais le personnage de Vice Versa. Colère. C'est colère, mais tu sais, un peu. Oh, j'ai pas bien. C'est pas vraiment un méchant. Ouais, voilà. C'est pas vraiment un méchant. En effet, tu as un problème avec ça. Ouais. Mais c'est bien d'avoir un problème avec la méchanceté. Si tu étais une qualité que tu rêverais d'avoir. Chose, Rodolphe. Comment Si j'étais une qualité. Que tu aimerais avoir. Et que je n'ai pas. Et que, a priori, tu n'as pas que encore. T'as moins, peut-être. Tu n'as pas suffisamment à ton goût. Une qualité que je n'ai pas. Peut-être. Alors, évidemment, celle d'être parfaitement à l'heure et de ne jamais générer de stress sur l'heure avec les gens les autres. Que je vois dans la vie, que je rencontre, avec qui je travaille, etc. Même si je me suis beaucoup améliorée. Hein. Une qualité. Il y en a plein, évidemment. La capacité à organiser des fêtes. Par exemple, mon anniversaire. Des fêtes perso ? Ouais. Privé. Ah oui. Des fêtes pour toi. M'organiser à l'avance. Des fêtes pour toi. Tiens, là, je vais faire une fête. Et je prévois les choses. On est le 28, je la prévois le 30. Voilà, par exemple. Tu vois ? Okay. C'est con, hein, je réponds. Oh, je non, réponds, non, ouais. C'est toi. On te mais ça va, on s'en sort dans la vie quand on a pas cette qualité-là. Ah ! On s'en sort. On s'en sort dans la vie, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je pense qu'on s'en sort. Si tu étais un spectacle auquel tu as assisté ou que toi-même tu as joué. Olé, olé. Un spectacle qui m'a que j'ai joué plein de fois. Et qui était trop cool, quoi, avec une bande de comédiennes improvisatrices nantaises. Et que j'ai vu que tu as joué à la SDI. Sur le désir féminin. C'est en début d'année. Si tu étais un gros mot, une insulte. Merde. Oh bah ça va. Classique, ouais. Ouais, ouais classique, c'est... Mais il va bien, il va bien. Bon, oui. Tu peux le dire à quelqu'un, tu peux le dire à toi. C'est un truc assez universel. Ouais, ouais. Tu peux le dire dans ta tête. Tu peux le dire dans ta tête. Ouais, dans ta bouche. Un thème d'impro. Un thème d'impro, l'herbe est toujours plus verte ailleurs ? Pour l'interrogation. Ok, ah. On va... Okay. Petite variante de ponctuation. Un moment dans la vie, dans la journée, dans la... Un moment. Un moment... Oh, le moment, le soir, le moment de l'histoire des enfants. Donc ça se situe vers 20h30, on va dire. Vraiment, c'est un moment... Genre, ils sont couchés. Alors oui, alors il y a le moment juste après. En fait, il y a deux moments, du coup. Ça dure 10 minutes. Il y a le moment de la lecture de l'histoire, 5 minutes. Vraiment, j'adore lire des histoires, avec, faire des voix et tout ça, mes enfants. Et le moment où, juste après l'histoire, ça y est, c'est mon moment. Je suis solo. Ah oui. Une manipulation que tu aimes bien faire ou un mime que tu aimes bien faire en impro. Je fais... Il y a la classique tasse de café. Qu'est-ce que tu entends par manipulation ? Parce que mime, je suis pas, c'est pas mon moment. Bah ça, par exemple... Ce que je préfère, quoi, le mime. Gérer ta tasse de café ou te verser un ouvrir une porte ou... en impro ouais en impro oui tu fais des impro hors... tu fais des manipulations hors impro je fais plein de manipulations dans la vie je manipule mon robot de cuisine par exemple tu vois, non bah alors du mime ouais c'est du ça, mime oui, en impro en impro en impro une manipulation que je fais souvent c'est tout ce qui est autour de la lecture je pense. C'est vraiment, je lis mon portable. Et tu le fais bien parce que souvent les gens font ça. Je le fais super bien. Mais en fait, le magazine il tombe. Bah oui, si tu le lâches d'un côté, quand on le tient avec les deux mains, il faut le reprendre un peu plus bas. Ouais, exactement. Tu penses à faire ça ? Ouais, je le vois. Bah, je le visualise. J'ai même le. Je pense que j'ai la qualité du papier. Ah ouais. Ou alors, faut le tenir au milieu pour bien. Ah oui, avec le pouce sur la tranche. On va travailler ça. C'est un dernier truc où je maîtrise quoi. Et si tu étais pour terminer un comédien ou une comédienne que tu admires ? Ça fait me demander de préparer tout ça, c'est hyper dur. Il y en bah, a plein. Bah non, mais c'est le principe de l'émission. Puis on se dit qu'on reçoit des improvisateurs et peut-être que. Bah, ça devrait venir tout de suite, quelqu'un que t'admires. Ouais, ouais, il est dans tes pensées continuellement. C'est la preuve qu'il n'y a personne. C'est la preuve qu'il n'y a personne. Rubrique suivante. Normalement, tu t'endors avec c'est marrant, cette image. Alors, je ne pensais pas forcément à ça, mais on en a parlé. Il y a eu un débat l'autre jour autour de Scarlett Johansson. Plus ou moins aimée, vous savez, il y a des gens comme ça. Ah, mais soit tu l'aimes, soit tu la détestes. On la déteste. Et moi, j'aime beaucoup cette meuf, vraiment à tous les niveaux. Okay. Et je la défends. Donc, je veux dire Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, okay. Ouais. Tu la connais pas personnellement ? Si, un peu. Ah. Je l'ai croisée au festival. Voilà. Elle fait de l'impro ? Et je crois qu'elle a fait de l'impro pour mais non. Si, faut les regarder sur internet. Vous avez pas un petit fact-checking, un truc comme ça ? Non. Ouais. Ben, on regardera. Ouais. Est-ce que Scarlett Johansson a fait de l'impro ? Commentez cette rubrique sur Spotify. Merci beaucoup. Merci Caro, c'était fini Rodolphe. Oui, c'était fini, c'était super. La dernière que je vais. Et je propose qu'on écoute ton premier choix musical, donc c'est un son que tu nous as que tu nous as envoyé. Ouais. Et tu nous expliques ensuite après pourquoi tu aimes bien ce son. OK, c'est parti. There can be no disgrace in the true expression of love. But without it a man can be coarsened and degraded in mind, body and soul. coup de théâtre sur Fadjet. C'est à toi, Caro. Et donc, c'était Wax Taylor, que j'aime énormément, Phonovision. Et j'invite beaucoup de monde à découvrir cet album, qui est trop trop cool. Et pourquoi ? C'est ça, hein, la question. Hein. Pourquoi tu l'aimes bien, cette chanson ? Ah, parce que c'est une chanson kiff avec mon fils de 8 ans en ce moment. On a une chanson kiff par mois. Hein. On se met à fond les ballons. Hein. Ouais, ça, on tourne. D'où la difficulté à choisir la chanson du jour. Et j'adore ça. Et à la toute base, Wax Taylor, ce que j'adorais, c'est un groupe qui met la flûte traversière en avant dans ses morceaux. Ah, oui. J'ai fait de la flûte traversière. J'ai adoré en faire, mais je souffrais un peu de la vision qu'on pouvait avoir de l'extérieur de la flûte traversière. C'est vachement bien la flûte traversière. Mais comment tu peux mettre la flûte ? Tu peux pas jouer si tu mets la flûte traversière en avant ? Bah non, Rodolphe. Ouais, je suis. C'est un groupe anglais ? Wax Taylor, je sais pas, aucune idée. Ok. Donc ton fils écoute ce genre de musique ? Ah ouais. Ah bah bravo, bravo éducation. Ouais. Ah bah écoute, il écoutait du Led Zeppelin, je pense, dans mon ventre, déjà, ouais, dans mon ventre. Très bien, bah merci pour cette musique. Et bah avec plaisir. Souvenir. Bam, ça fait peur. C'est le moment où je te propose de nous raconter un très bon souvenir sur scène, un moment où tu t'es senti bien, t'étais au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et c'était trop smoothie. Oh, bah y en a plein, évidemment. Les deux trucs qui me sont venus... Ah ouais, tu m'as dit un, mais j'en ai deux quand même. Mais je vais aller vite, ok ? Ok. Mélange les deux. Ouais. Non, bordel. Impossible. Pourquoi ? C'est le bord. Bah oui. Le premier, je pense que c'est mon tout premier spectacle d'impro de ma life. J'avais genre fait 3 ou 4 entraînements avec la troupe dans laquelle j'étais à l'époque. C'était à Paris. Je les salue. 3 ou 4 ? Ils m'écoutent pas, je vais être honnête. Mais ouais, j'avais fait 3 ou 4 entraînements de ma vie d'impro. J'avais un peu fait de théâtre quand même avant. Mais... Et c'était une troupe qui s'appelle Onof, troupe d'anciens polytechniciens. Ouf. Qui avait commencé le théâtre d'impro à Polytechnique. Ils se sont dit, tiens, si on faisait une troupe. Et ils galéraient un peu à recruter des meufs. Donc on s'est rencontrés, ça je vous passe le détail, et puis bim, ils m'intègrent, ils sont hyper cool, mais en entraînement, comme il y en avait beaucoup qui avaient déjà pas mal de bouteilles en impro, j'étais un peu timide quoi, en entraînement. Bim, premier spectacle, et là je me lâche, mais total quoi. Et tout était pris, c'est le truc, vraiment j'ai fait des pigeons et tout, je me rappelle, et j'avais le regard de mon petit copain de l'époque, hyper fier dans la salle, et c'était un moment parfait, tu sais, j'ai pas vécu une seconde de souffrance sur mon très tout premier spectacle d'impro, incroyable. Donc ça, c'est trop bien. Et un autre truc, des années après, ça, c'était juste avant le Covid. J'étais à Nantes. J'ai beaucoup bossé à Nantes avec une boîte qui fait de l'impro en entreprise. On fait des restitutions théâtrales improvisées, des séminaires, etc. C'est une partie de mon métier. Et la première fois que je joue devant 1400 personnes au Palais des Congrès, où c'est pareil, parfait. J'étais avec deux comédiennes, que entre meufs. Et on faisait une restitution improvisée des propos, des discours, des chefs, etc. En mettant un poil d'impertinence, d'humour, etc. Uh-huh. Et ça prend, mais de ouf. Tout pareil, tout était parfait. Et là, t'as 1400 personnes qui rient en même temps. Pouah, la dose de bonne humeur. Mais c'était un kiff ultime, quoi. Eux, ils bossaient dans quoi c'était ce que j'allais dire, des experts comptables. Ah génial. C'est une boîte qui s'appelle Strego. Ça s'appelle Baker Tilly, je crois, entre-temps. Mais... Ouais. Des experts comptables qui rient, et moi je peux vous dire, ça vous fait mal. Et après tu les vois rire, ah mais ils ont des dents. C'est ça, ils sourient. Ah non mais les experts, trop bien. Franchement j'affectionne énormément les experts comptables. Depuis ce jour. Depuis ce jour, mais déjà un peu avant. On a des a priori. Hashtag a priori. On a des a priori sur les experts comptables. Et là à Nancy, t'as vécu, depuis que tu es revenue, t'as vécu des bons moments sur scène. Ouais, plein. Ça te laisse, plein. Il y en a encore plein à venir. Il y a une soirée que j'ai particulièrement affectionnée, c'est quand j'ai joué avec les Tilt. Oui. Le genre de soirée où pareil, tu sais, y a pas la moindre once de malaise ou d'incompréhension ou de souffrance. Mm-hmm. C'est tout est super, on se comprend direct. Je me permets de le dire, c'est vraiment une. Bien sûr. C'est vraiment beaucoup marié en plus. Trop bien. Alors il y a pas non plus la souffrance dont tu parles. Enfin pour les gens qui ne font pas d'impro et qui aimeraient en faire, faut pas que ça les empêche de venir parce que. Non mais. Tout est relatif. Il y a des moments où on est un peu moins à l'aise, mais disons que c'est tout. Il y a quand même toujours du kiff dans tous les spectacles. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir. Ah, il peut y avoir des moments où tu étais un peu moins bien, bien sûr. L'impro, que ce soit un jour ou 10 ans, il y a des moments où. Oh, non, il a pas. Et puis il y a des moments. Mais c'est aussi pour ça qu'on savoure tellement ces moments où tout se passe bien, parce que c'est pas facile finalement. Ouais. Et quand ça se passe comme tu le dis, comme tu as les deux exemples que tu as cités, quand ça se passe génialement bien, ben. C'est du pur kiff, quand tu touches les étoiles, c'est ça. Voilà, cette impro, enfin cette histoire était tellement dingue. Évidemment, on n'aurait pas pu faire ça tout seul, quoi. Et j'aimerais maintenant, du coup, que tu nous racontes le pire moment que tu as vécu ou les pires moments que tu as vécu. Un jour, tu sais, où tu aurais aimé ne pas être là. c'est pas forcément en impro, du coup, c'est ça ? Ah si, en impro. Sur scène. En impro, un jour j'aurais aimé ne pas être là, bah c'est pareil, c'est des marqueurs, mais le tout premier match, moi j'ai pas une culture match d'impro, j'adore le cabaret, longue forme, des concepts, etc. en impro, mais j'ai pas fait énormément de matchs, c'est moins mon kiff, tout simplement. Mm-hmm. Et le tout premier match que j'ai fait, pourtant j'étais avec une équipe super cool et tout, je leur dis, bah moi j'ai pas beaucoup fait de match, ils m'expliquent un peu les codes, mais en gros, t'inquiète, on te fait confiance, ça va le faire super, on s'en fout des codes. Et sur la toute première impro, je fais l'erreur, je ne fais plus jamais ça depuis, je fais l'erreur de demander à mon voisin sur le banc, oh, putain, j'ai une idée là, je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il me met la main sur la cuisse et me dit, non. Ah. Tu sais le truc, boum. Et en fait, ça m'a complètement bloqué. Ah bah, tu m'étonnes. J'aurais jamais dû faire ça. Et du coup, après, impossible de. Enfin, je suis vraiment très, très peu rentrée. Bah oui. Donc, ça, c'était il y a des années. Mais... Donc, ça supposait que ton idée était un peu merdique? Alors qu'elle était vachement bien, mon idée. Quel dommage. Je ne re-questionne plus mes idées. Ou que ton idée n'allait pas dans le sens de l'histoire qui était en train d'être racontée. J'en sais rien, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, on s'en fout un peu. Tu vois, ça avait besoin de valider. Ah ouais, t'as demandé. Et c'était sur scène et que quelqu'un te dise non. Oh là. Non, merci Caro, mais non, ouais. C'est bon. Et du coup, mais t'as peut-être trop dit que tu étais pas tellement habitué en fait. Eh ben oui. Et du coup, peut-être que la personne s'est dit, elle va aller faire un truc qui va pas, je sais pas. C'est bien que t'es pas bloqué là-dessus. Non, ça a pas pris un truc de dingue. C'est vraiment le fait de poser la question, je pense. Et puis moi, psychologiquement, ouais. Du coup, après... Ça t'a bloqué que sur ce match-là, après, t'es très vite passé à autre chose. Ah oui. Heureusement, parce que ça aurait pu vraiment dire, ok, c'est bon, j'arrête l'impro. Ouais, c'est clair. Toutes mes idées sont nulles, je n'y vais plus. C'est ça. Non, c'était marrant comme expérience. Très bien. On va parler un petit peu d'impro. Ah, et aussi, une fois sur scène, j'ai perdu ma jupe. Hein? Mais bon, ça, c'est un autre 3, truc. 2, 1, impro. C'était un teasing intéressant, mais on en parlera un petit peu plus tard. Non, 3, 2, 1, impro, effectivement, c'est le moment où notre invité parle d'un événement qui arrive, qui lui tient à cœur, qu'il mène, voilà. C'est ton moment, projet, qu'est-ce que tu viens nous raconter? Eh bien, je viens vous parler d'un spectacle que je lance, que je produis, et qui va se produire à la MJC Pêchon le 7 novembre. Il y en aura d'autres, je ne m'engage pas encore sur les dates d'après, mais c'est sûr, ça aura lieu le 7 novembre à 20h30, et ça s'appelle le Late Show. Impro Late Show. Donc on en reparlera dans notre émission de novembre. Puisque... Ah oui, pour parler des spectacles du mois de novembre. Voilà. Là, tu viens déjà m'inviter en janvier aussi, parce que du coup, il y en aura aussi en janvier. On notera les dates. Mais voilà. En quoi consiste un peu ce nouveau spectacle qui arrive? C'est un cabaret. Moi, je suis très très fan des cabarets, donc c'est-à-dire vraiment des défis improvisés avec assez peu de joueurs, 4 ou 5 max sur scène. Là, ça va être 4 en l'occurrence. Mais dans un décorum particulier. Et là, le décorum, ça va être le décorum du Late Show à l'américaine. J'imagine que vous voyez un peu ce que c'est. Donc, il y aura des musiciens live qui vont emmêler toute la soirée. Il y aura le sofa sur lequel on va passer à tour de rôle aussi pour des petites interviews, pour découvrir un petit peu les joueurs. On va essayer de rendre ça, évidemment, ludique, politiquement incorrect, etc. Le bureau, les mugs personnalités. Et personnalisé, pas personnalité, oui, sinon ça ne veut rien dire. Il y a Jean-Pierre Pernaut. Les mecs peuvent avoir une personnalité. Ou alors il y a une personnalité dessus, il y a Jean-Pierre Pernaut et puis une autre. Ça peut être ça aussi, putain, on a plein d'idées là. Ah. Il y aura plein de mugs. Avec plein de choses. Avec plein de choses. On les vend. Une déclinaison de mugs. Personnalité aussi, ça veut rien dire, mais on va trouver. Qui deviendront perso. Pour Heidi peut-être. Un paradisiaque qu'on appelle Heidi. Enfin bref, il y aura des mugs et il y aura plein de défis à improviser. Alors, je peux pas trop raconter, mais c'est vraiment des trucs, des pirouettes. Donc on se marre beaucoup dans ce genre de soirée. Quelle est la part d'impro dans le spectacle? Oh, 80%. 80%. Okay. Ouais. C'est juste que le décorum, il est assez, il prend un peu de place, il est assez précis. Et je vais essayer de rendre ça le plus classe possible aussi. Et les interviews que tu vas faire des comédiens, ça sera des... Ils devront parler vraiment d'eux ou là, ça sera de l'impro aussi? Non, là, on va parler d'eux. J'aimerais, donc, c'est un peu mon but c'est aussi, les 20% c'est pas improvisés, plein de comédiens de Nancy, d'accord, improvisateurs, et qu'on ait des petits moments, mais courts, hein, où on s'intéresse à eux. Un peu comme si c'était des grosses restas à Nancy, tu vois. Donc ouais, on va s'intéresser à eux. D'accord, cool, super. Très bonne idée. Donc t'as une liste longue comme le bras de tous les improvisateurs de la région nancéen que t'as envie d'inviter. Voilà, donc je vais un peu en shadow, tu sais, un peu comme les mecs qui vont distribuer les étoiles dans les restaurants. Je vais voir les spectacles avec un impair, un chapeau, pour pas me faire repérer, pour repérer un peu. Non, en fait, comme t'es la seule à avoir un impair et un chapeau, on sait que c'est toi, donc c'est stupide. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai perdu mon impair au Vertigo. Alors ça, c'est un autre sujet. Bah, si tu veux nous parler de ta jupe, ça peut être le moment. Ouais, j'ai perdu ma jupe sur scène, dis donc, à l'Opéra de Nancy. Mais Mais peu importe où tu l'as perdu, c'est bizarre. Non, mais en jouant? Parce qu'il y avait, je sais pas, 900 personnes dans la salle, un truc comme ça. Mais, pour, mais sur scène, tu peux nous expliquer comment tu l'as perdu? C'est attends, ça qu'on veut savoir. Mais je ne sais pas comment je l'ai perdu, Rodolphe. Je suis pas venue en me disant, tiens, je vais faire un petit effet. Non, mais ça aurait pu être quelqu'un qui te l'arrache. C'était un spectacle de danse, c'était pas un spectacle d'impro. J'ai fait beaucoup de danse dans ma jeunesse. Ah, c'est le mouvement que tu as fait. Et j'arrive, tu sais, finale, très waouh. Et t'as 8 ans? Comme je suis petite, non, non, j'ai genre 16 ans. Ah, 16-17 ans, pirage, oui. Et on fait un super spectacle, c'est une grosse production de danse et tout. Et donc à la fin, t'as tous les groupes, tous les niveaux qui viennent sur scène pour une danse où on est 100-120 danseurs sur scène. Et moi je me retrouve devant parce que c'est, plutôt, c'est plutôt par taille. Et donc comme je fais 1m57, je suis plutôt devant. Et je prends la place et je suis très à l'aise dans ce groupe et tout ça. Et à un moment donné, pff, ma jupe tombe quoi. Alors le truc où tout le monde, on peut pas ne pas le voir. C'est le mouvement qui provoque ça. C'est, oui, sans doute. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Et là, yo, tu as perdu du poids. Tu as perdu du poids pendant le spectacle. Et... Ah, peut-être. Et du coup, vraiment, je l'ai remonté avec une main, je la tenais, et puis avec l'autre main, je continuais les mouvements. Quoi, ce n'est de rien n'était. C'était très. C'était trop fou. Magnifique. Oui, effectivement, c'est un peu fou. Et ben merci. Donc c'est le. On rappelle le 7 novembre à Pichon. C'est quelle heure? Le 20h30. 20h30, et ce sera payant, probablement. Bien oui, parce que c'est un métier de faire de l'art, n'est-ce pas? Donc en pré-vente, on peut acheter les places en pré-vente dès maintenant ou pas encore? À partir de la semaine prochaine, théoriquement. D'accord. Je dirais à partir du 7 octobre, ce sera en vente. Super. D'accord. Voilà. D'autres questions, Rodolphe? Non, mais pour que les gens puissent... Non, mais c'est pour qu'on puisse venir te voir et donc pré-vendre sur le site de la MJC Pichon. Exactement. Ou sinon sur place le jour même, mais attention. Sur place le jour même. Peut-être que ça sera rempli, donc... Prenez vos places à l'avance. Ah bah ça se bouscule au portillon alors avant même de lancer la com. Mais les gens dorment devant Pichon. Hein. Ah bah, comme un concert de Mylène Farmer. Hein. Ça dort devant Pichon. Ah ouais, c'est ouverture d'une boutique Apple. Alors le jour où tu invites Mylène Farmer et tu vends un nouvel iPhone, ouais. Bah là, là c'est il va y avoir des morts. Bah ouais. Avec des applis sur Michael. Ouais. Très bien. Sur cette transition incroyable, je propose d'écouter ton deuxième choix musical. Ok. Et je suis trop contente parce que je l'adore aussi. Merci beaucoup. Je crois que je sais ce que c'est. Faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins. Demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins. Faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père. On regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis. À qui j'ai renoncé par amour et qui me rappelle qu'aujourd'hui je n'ai plus ni elle ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever. Oh, avancer, se rassembler, s'enflancher en jambes. Le chantier des pensées qui semblait emmêlé. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les. Et l'angoisse, tenez-la bien, je vais shooter tant comme elle vient. Faut que je marche. Je comprends quand je marche, faut que je marche. Parce que j'apprends quand je marche, faut que je marche. Parce que je pense quand je marche, parce que j'avance quand je marche, parce que je rêve quand je marche. Coup de théâtre sur Fadjet. Cette transition est très moche, désolé. Éclectique. Oui, et ben, qu'est-ce que je dois parler de cette chanson, c'est ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu l'aimes? Ah, je l'adore. Alors déjà, la musique, avant même les paroles, moi, il y a des trucs qui me transportent. Tu sais, c'est le genre de musique. Je vais marcher en forêt et je toute seule, mais je saute quoi. Je saute de joie en écoutant cette musique. Donc vraiment, déjà musicalement, j'adore le rythme et tout. J'aime beaucoup sa voix et juste il parle de trucs que je vis quoi. Tu sais, d'être tout le temps dans tes pensées comme ça et d'avoir besoin de c'est de la charge mentale en fait. Je peux pas avoir le temps. J'en ai beaucoup, beaucoup. Mais plein de gens en ont beaucoup. Et ça me fait trop plaisir que ce soit un mec qui parle de la charge mentale aussi. Et de tous ces petits défauts, tous les trucs qu'on essaye de bien faire. Ça part d'une bonne intention quoi. Comme tous les personnages d'impro, j'adore faire des personnages d'impro qui se foirent. Mais qui sont de bonne volonté. C'est toujours plus intéressant, je trouve. Donc voilà, il y a le côté charge mentale et on fait de son mieux. Et de temps en temps, focus sur le corps quoi. Arrête de faire tourner ton cerveau. Pour mieux y retourner. C'est facile à dire. Ah oui. Et t'as des trucs pour débrancher? Avoir des enfants, ça t'épuise. Donc de temps en temps, pouf, ton cerveau te débranche. Mais t'as des nouveaux problèmes qui arrivent que t'avais pas. Ah bah oui, toujours. Ah, oui. Toujours. La vie n'est qu'une succession d'opportunités et de contraintes. D'emmerde. Sinon, franchement, pour de vrai, prendre le temps, quoi. Dire non. Dire non aux trucs. Vraiment de me créer des espaces de rien dans mon agenda. Tu m'étonnes. Essentiel. Merci, Caro, pour ce... Mais je vous en prie, c'est partage, plaisir d'offrir. Ce petit garde. Alors, c'est une nouvelle chronique que nous avons, mais nous n'avons pas de jingle, donc je propose de remettre celle du... Vas-y. C'est quoi la chronique? Ça s'appelle enfant, tout, ou ivre, ou enfant, tout. Mais j'ai pas de son un peu comme ça. J'ai que ça. Tu peux le faire, Caro, du coup? Enfant, tout, ou ivre. Tout. Enfant, tout, ou ivre. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai mis un petit. Ouais, voilà, bien, merci. On demandera à chaque invité voilà, de faire un jingle. Oui, de ce truc. Beatbox, vocal, bouche. Ouais, je vous emmerdez pas, demandez aux gens de faire, hein, ça marche toujours. Ça. Je sais pas si tout le monde est prêt, mais ok. Eh bien, tu as compris le sens de cette chronique? Enfant? Enfant ou ivre. D'accord. Donc, tu me poses des questions et je dois te dire si c'est enfant ou ivre. Non, c'est la consigne, c'était est-ce que toi, il t'est arrivé quelque chose? Tu vas nous le raconter préciser. Tu as fait quelque chose d'improbable et non de deviner si tu l'as fait parce que tu étais immature, donc un enfant, ou si parce que tu étais complètement à bourrache. Et là, vous allez vous dire, quelle vie de dingue là. Parce que la robe, tu vois, moi je t'ai dit, mais t'avais 8 ans. Ouais, non. T'étais ni bourré ni enfant. Mais j'étais pas bourré, j'avais 16-17 ans. C'est ça. Quoi qu'à cette époque. Enfin bref, l'anecdote de fou. Alors, j'ai vraiment passé une nuit entière dans le hall d'entrée d'une maison contre une poussette. Oh bah ça, moi je vais dire bourré ça, parce que... Ben un enfant ne passe pas une nuit en... Ah, quoi, tu vois, peut-être qu'il y a une galère avec les parents. Elle a glissé de la poussette, tu sais. Elle a glissé, elle s'est retrouvée. Vas-y, je suis mieux partie. Eh ben moi, je dis bourré, toi, tu dis enfant. Ouais, moi, j'aurais envie de dire enfant, mais shame aux parents un peu, quand même. Genre, oh, on la fout là. On a à peu près le même âge. Et moi, je dormais un peu, des fois, dans la voiture solo ou quoi. Non, mais donc, ça peut être aussi parce qu'il y a une galère, tu vois. Ils ont perdu leur clé. Milieu de la nuit, ils rentrent d'une soirée. Ils se disent, bah tant pis, on va dormir dans l'entrée, pas avoir froid. Et en fait, elle a un petit frère ou une petite sœur qui dort dans la poussette, et elle dort contre la poussette. Ah, il y a ça aussi. Mais bourré, ça marche vraiment. Hein. Hall d'immeuble, t'arrives pas à rentrer chez toi, les voisins ont des enfants. Les deux marchent, mais je reste sur enfant. Moi, je reste sur bourré. Alors, c'est ton idée. Enfin, c'est ta raison, mais c'est ta réponse. Alors tu parles à qui, là? Tu parles à qui, parce que... Ah oui, je dis c'est ton idée, Julia, mais c'est ta réponse, Rodolphe, parce que j'étais bourrée, mais que j'étais effectivement enfant. Pas chez moi. Donc, pas enfant. Alors, mais après, hall d'immeuble ou hall d'appart? Je sais plus ce que t'as dit. C'était une maison avec deux apparts, donc tu vois, c'est un truc. Mais que de gens que je ne connaissais pas, par contre. Je sais pas où j'étais. Je suis rentrée bourrée chez des gens que je ne connaissais pas. Ils avaient une poussette. Mais, t'étais pas en soirée dans cet appart-là? Non. Tu ne sais pas comment tu es arrivée là. Dans le village. Tu ne sais pas comment tu es arrivée là. Je ne sais aucun souvenir de comment je suis allée là, mais bon, tu sais, dans les villages à l'époque, on fermait pas l'entrée. Donc, t'es née en 50 ou quoi? 42 ans, ma poulette, 42 ans. Et donc là, je pense que j'avais 20 ans, 22 ans. Ah ouais. Soirée, voilà, très arrosée. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillée en tout cas le matin chez des gens, je ne savais pas qui, contre une poussette dans hall d'entrée. Personne t'a vu? Rien. Je me suis levée suffisamment tôt. Et personne n'a été capable. J'ai vu la poussette 3 heures après, avec un enfant cette fois-ci dedans, qui n'avait pas l'air bourré. En train d'être promené dans le village, donc je sais que c'était. Ah, personne n'a été. J'étais chez vous. Aucun de tes amis n'a été capable de te dire comment tu avais atterri là. Non. T'es parti de la soirée, ils pensaient que tu rentrais chez toi et en fait t'as fini dans C'est vrai que c'est triste parce que tout le monde. Personne n'en a rien eu à foutre en fait. C'est vrai, tiens. Là on est peut-être en train de réveiller quelque chose. C'est pas complètement par hasard que les gens avec qui j'ai fait cette soirée, je les vois plus beaucoup maintenant. Ils prennent pas soin de leurs amis. Le drame de la poussette. C'est drôle, mais alors du coup t'étais quand même bourré. Donc c'est Rodolphe qui a gagné. Rodolphe qui a gagné. Je ne sais plus. On note pas qui gagne à chaque fois, donc on s'en moque. Non. Vous êtes très bien compétiteurs. Vous êtes l'esprit Jacques Martin. C'est une bonne anecdote parce qu'elle nous a partagé et on a eu de quoi en parler. Merci Caro. Je vous en prie. Réseaux sociaux. Ah. Caroline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport aux réseaux sociaux? à la fois personnellement et professionnellement. C'est une blague que vous me fassiez parler de ça ou pas? Pas du tout. On fait parler à tout le monde. C'est vrai. Bah, on a un jingle. Les vrais trucs, on n'a pas de jingle. J'ai un énorme problème avec ça, moi. Enfin, un problème. Tiens, pour le coup, allonge-toi. Pour le coup, j'ai un peu de colère. Ouais, ça pourrait être un peu. Non, mais vraiment, je passe par les réseaux sociaux. Professionnellement. Pour la pub des spectacles. Et je regarde un peu celle des autres, mais à part ça, j'ai un vrai truc de j'ai du mal à capter l'intérêt de se mettre, enfin des réseaux sociaux de manière générale, de se mettre en avant. Alors, je fais un petit aparté quand même sur WhatsApp, je trouve ça très pratique. Je fonctionne beaucoup avec WhatsApp. Oui, c'est pas vraiment un réseau social dans mais le voilà, sens où. C'est ça. Il y a une messagerie. C'est du SMS à plusieurs, chose, quoi. D'accord. Mais sinon, je viens de. D'ailleurs, j'ai fait marrer pas mal de monde parce que je viens de créer mon compte Instagram en me disant hey, il y a le late show qui arrive là, il va falloir que je fasse un peu de pub. Mais c'est pas mon truc, quoi. On perd tellement de temps. Je préfère marcher en écoutant Ben Mazuet. Apparemment. Si je peux. Mais c'est un bon outil professionnel. Mais voilà, c'est pareil, hein, contrainte opportunité. Parce que si t'as rien à vendre, à proposer ou à faire la promo, effectivement, tu peux t'en passer. Mais pour des spectacles d'impro, en vrai, des réseaux, ça marche bien. Ouais. Mais je vais tenter de m'y mettre. Par contre, je me lance un petit défi. Je trouve que c'est le bon moment. T'as une deadline, genre à Noël, j'ai obligé, 200 000 followers. Je pourrais faire. Alors, 200 000, aussi, t'as raison, faut être ambitieux, sinon... Non, mais 1000, c'est déjà quand même pas mal. C'est l'idéal vers lequel tendre. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu la chanson de Ben Mazuet où il dit qu'il a le temps de rien faire. En fait, c'est assez pervers, les réseaux sociaux, parce que moi, je partage beaucoup de choses sur Facebook. Et en fait, il y a plein de gens de ma famille qui savent ce que je fais. Et t'avais envie qu'ils le sachent? Des proches. Non, mais c'est pas là où je veux en venir. Ils savent. Et du coup, ça m'évite d'avoir à leur donner des nouvelles. Puisqu'ils savent. Oh. Et je pense qu'il n'y a pas de manque. Oh. Ils n'ont pas besoin de me demander de nouvelles parce qu'ils savent que j'étais là. Du coup, vous appelez plus. Et du coup, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est pervers. C'est-à-dire que c'est le côté. Je donne des nouvelles et du coup, les gens en ont et du coup, tout le monde s'en fout de parler vraiment. Quoi. C'est ça. Oh la vache, j'arrête tout ça. Ouais, c'est toi, sur j'arrête l'impro. Rien à voir. Mais bon, il y a plein de vertus et je m'y mets sur le tard, du coup, un peu là. Je vais m'y mettre. Mais professionnellement, c'est difficile d'y échapper quand on fait nos métiers. Tu es sur LinkedIn? Bah, honnêtement, pas tant. Je suis sur LinkedIn, ouais. Donc Facebook, LinkedIn, Insta, tu vois? Ouais. Tu dis que tu l'es pas tant, mais finalement, oui, ça si, fait... Non, mais tu peux passer une heure à juste partager tes événements, faire de la pub, commenter des trucs pour être vu. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais quand on a deux enfants. Tu dis, on peut s'en passer professionnellement? Oui, alors pour plusieurs raisons. Parce que moi, j'ai beaucoup fait partie de troupes semi-pro, voire pro, où il y avait une personne à chaque fois compétente et désireuse qui mais, gérait ça. Mais il y a des réseaux sociaux. Oui. Ah, ah bah oui. Tu peux pas ne pas en avoir du tout. À titre individuel, c'était ça la question. Évidemment. À titre individuel, moi, j'utilise beaucoup. Quand il y a quelqu'un qui fait pour toi, oui. Et le bouche à oreille marche tellement. Et moi, je fais encore. Moi, par contre, je prends du temps pour envoyer des invitations pour mes spectacles, enfin des invitations à venir, hein, parce que les gens payent pour le spectacle vivant. Là, par contre, j'arrose 150 personnes avec WhatsApp. Par exemple, je fais des trucs personnalisés. Ça, je peux pas, je préfère passer du temps là-dessus que de lire, de scroller, tu vois, c'est vrai que c'est pas trop. Parce que truc. Quand tu le publies sur Facebook, tu n'es même pas sûr de qui a vu, qui fait quoi, surtout Facebook, les gens y vont moins. Ouais. Alors que sur WhatsApp, si tu reçois un message avec une invitation, tu peux pas dire « Ah, je savais pas que c'était ce week-end ». Les gens répondent, quoi. Puis c'est un peu personnalisé, en vrai, si ça fait tu le personnalises, plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Mais il faut le personnaliser, alors du coup, c'est un temps fou, là, pour le coup. Ah oui, tu fais « si Salut message... Julia, nanana », et après « Salut, salut je joue machin ». Je peux passer du temps, ouais. Ce truc-là, il est horrible. Non, mais après, tu vois, le contenu, bravo, l'info principale, tu fais un copier-coller, et après, tu personnalises. Ouais, mais 150, ah, mais bravo, hein. Bravo, oui. Bah ouais. Merci. Ouais, non, mais ça, par contre, je peux y passer la nuit sans problème. Mais pas regarder des vidéos de chats à la con. Ouais, ok. Oui, mais c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ouais, super. Ça marche. Merci beaucoup. De toute façon, il n'y a pas de bien ou pas bien. Ça dépend. J'ai failli mourir. Ça, par contre, c'est pas bien de mourir. Et... De honte. Ah, c'est mieux, mais c'est pas bien quand même. C'est pas ouf. Quel est le moment que tu n'as jamais avoué à personne, parle-nous de ta pire honte, celle où tu... La pire honte, à part le fait de perdre une jupe. Oui, j'allais dire, je voulais déjà réveiller un truc. Quand tu nous as raconté ça, je me suis dit, est-ce que ça serait pas la chronique suivante ? Mais bah, t'as autre chose. C'était un malaise sur scène, alors. Mais t'as autre chose. Donc là, sur scène ou pas sur scène ? Non, dans la vie. Partout. Parce que sur scène, on l'a déjà fait. Ouais. T'as suivi l'émission depuis le début ou pas ? Elle n'en a jamais écouté. Elle n'a pas écouté une seule fois où elle a parlé. J'ai suivi l'émission, ouais. Non, mais je suis dans ma tête, là, du coup, je t'écoutais plus, Rodolphe, pour être honnête. Bon, mais c'est l'histoire de ma vie, ça. Tac. Il y a un truc. Je sais pas si ça fait partie de la honte, mais quand même, je pense que je suis une des rares. Donc ça, c'est pas sur scène. Hein. Je suis une des rares françaises, je pense, à avoir plusieurs fois fait des déclarations de perte, deux déclarations de perte de mes papiers d'identité. C'est possible ? Oui, c'est possible. Ah ouais ? Parce que à deux reprises dans ma vie, alors je me suis fait voler mes papiers où je les ai perdus plus de 12 fois depuis mes 20 ans. Il y a quelques années, j'ai reçu un petit papier où on me disait qu'il commençait à me suivre. Parce que potentiellement, déjà qu'il y a beaucoup d'homonymes. T'es malade. Mais en plus, comme il y a des gens qui me volent mes papiers d'identité, je pense qu'il y a des Caroline Laurent partout. Mais j'ai vécu une scène avec toi. En plus, tu as perdu ta carte là. Il y a une récemment. Oui, voilà. Et en fait, à deux reprises, il m'est arrivé à 3-4 semaines d'écart. C'est le moment où tu vas chez les flics pour dire je fais une déclaration de perte qui fait office de papier d'identité officiel. Ah, ok. Bah oui, parce que t'as plus rien, on t'a tout volé. Ouais. Et puis, on te fait un papier comme ça. Il faut que tu la donnes aussi quand tu refais tes papiers. À la mairie. Pour faire une deuxième carte. Et puis ça te sert si jamais tu te fais arrêter. Enfin, voilà. Donc c'est une déclaration de perte qui vaut mais comment tu papier pendant 3 mois. Et comment ben moi, 3 semaines après. Caroline Laurent chez les flics. C'est marqué dessus. Non, mais chez les flics. Tu peux montrer un autre. On rentre dans les détails techniques. Mais en tout cas, j'avais ça. C'est juste pour dire je repars avec ça à la maison. J'ai plus que ça, moi, pour dire qui je suis dans la vie. 3 semaines après, on me revole mon sac. Donc je vais faire une déclaration de perte de ma déclaration de perte. Et ça m'est arrivé deux fois. Alors après, tu te fais voler. Donc, t'es quand même pas si responsable que ça. Pourquoi on te vole ? Si tu jetais ton portefeuille sans arrêt dans les égouts, bon, là, on pourrait... Je pense que cette bonhomie naturelle que vous êtes en train de constater vous-même, là, en live, inspire les gens et se disent, oh, elle est plutôt du genre... à se faire voler. Donner. Donc, on va pas lui demander, on va prendre, elle va donner, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Non, des fois, ça peut être le gabarit aussi, de dire, elle est pas très haute. Non, mais tu t'es pas fait voler à l'arraché. Ils se trompent parce qu'ils savent pas à quel point tu t'es pas fait voler à l'arraché. Plusieurs fois. Ah merde. Sérieux ? À Paris, ouais. Et j'ai eu deux fois dans les trucs que je vous raconte là. C'était, vous savez, sur les ronds-points à Paris, ils te balancent une pierre, ils pètent ton carreau quoi. Quand t'es en voiture, je parle, t'es en bagnole, ils pètent ton carreau, ils prennent ton sac et ils sont 15, tu sais, ils s'envoient le sac comme un ballon de rugby. Tu peux rien faire, t'es en voiture. Ils t'étalent, t'es en bagnole, tu peux rien faire. Mais t'aimes toujours Paris. Et ça m'est arrivé deux fois ça. Mais trois fois. Parce qu'il y a un mec. Ça serait une raison suffisante pour pas aimer Paris ? Mais j'adore Paris pour, pour tout ce que ça dégage. Il y a trop de monde. Culturellement, c'est trop. Ah oui, l'accès à la culture, c'est beau, j'adore l'ambiance de Paris. Par contre, je me suis fait voler, mais pas que à Paris, je me suis fait voler à Amsterdam, je me suis fait voler à Lille, je me suis fait voler à Bordeaux. Non, mais jamais vraiment à l'arracher dans le sens. Parce qu'elle parlait de ta carrure, tu l'as sur le bras, on te l'arrache. Ah oui, ma maman, ça lui est arrivé à un moment qui est. Vieille. qui a 91 ans aujourd'hui. D'accord. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Enfin, pas aujourd'hui, elle l'a eu la semaine dernière. Ah, aujourd'hui, elle a 91 ans, ça je voulais dire. Oui. Peu importe, bon anniversaire maman. Qui a 91 ans, qui est vraiment toute frêle, toute petite. On lui a arraché un jour son sac. J'ai envie de dire aux gens-là, à ces gens-là qui le font, demandez-lui son sac, elle vous le donnera. Oui. Parce qu'elle n'a pas envie d'avoir mal. Ça va la blesser, mais ouais. Bah oui. Elle n'allait pas tuer ma mère, juste parce qu'en plus, elle n'a rien dans son... Je ne sais même pas pourquoi elle a un sac, elle n'a rien dedans. Alors moi, ça m'est pas arrivé. Mais vous me dites, hein, parce que là, je cause. Une fois, je me suis fait braquer à Paris aussi. Ah ouais. Non, mais... Mais figurez-vous, je me suis fait braquer, j'étais au téléphone avec une copine, je rentrais de l'impro, tiens, à minuit, près de Gare du Nord, je me fais braquer. Il me demande mon sac. En vrai, j'avais juste mes affaires. Alors, elle est en train de mimer un revolver. Avec une arme. Voilà, je mime. Tu as vu ma qualité de mime ? Comme tu fais un mime en radio, c'est peu radiogénique le mime, c'est pour ça que je le dis. Et en fait, j'ai dit, j'ai rien. Et j'ai commencé à discuter avec. C'était un jeune. On a discuté pendant 3 heures. Je lui ai payé des clopes, on a discuté, on a refait le monde. Parce que il était un peu perdu. Complètement, il venait de se faire virer de chez lui. Enfin, oui, voilà. Une histoire de vie. Mais pour s'en sortir, souvent qu'on braque. Et la fille avec qui, une copine que j'avais au téléphone, qui a entendu le braquage, quoi. Oh là là. Qui essayait de me rappeler. Ouais, elle essayait d'appeler des filles. Oh là là. Mais t'as vu l'arme ? Ah bah oui, j'ai vu derrière son. Je pense que c'était une arme. Non, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'était fictif. Ouais. Fictif. Bah, je suis pas sûre, mais il y avait pas de balle dedans au final. Il me l'a révélé. Wow. J'ai discuté 3 heures avec le braqueur. Ok. Elle était un peu badass. Ah, je pense que j'ai changé sa vie. Hein. Je sais rien, je sais pas. Mais super. Cool. Et bien, sur cette transition de bonne humeur, écoutons ton troisième choix musical, Caro. Ah. C'est parti. To my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how he used to know me. Behind these bells, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine, they let you down. Not the day I'll get up off the ground. Not the day the morning rolls around and it's another day of sun. I hear them every day, the rhythms in the canyons that'll never fade away. Ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, or when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. Théâtre sur Fadjet. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Bah, c'était un extrait de La La Land. Aha. La première chanson de la BO de La La Land, que j'ai adorée, évidemment, puisque je suis très fan de comédie musicale. Et tu en improvises ? Oui, à Nantes, on a eu un projet comme ça. Mais si je ne me trompe pas, il va y en avoir une avec Improdisiaque. Et oui, il va y en avoir une avec Improdisiaque. C'est en avril. Ah là, j'ai pas la date précise. Okay. Suivez si ça vous intéresse. On va essayer de faire un truc cool. Comédie musicale, mais dirigée. Avril, j'ai la date. C'est le 3 avril. Et ben voilà. Trop bien. C'est-à-dire que y a vraiment un metteur en scène. Chant, danse, histoire. Une grande histoire avec des moments chantés. Super. Ouais. Très bien. Ça va être cool. C'est le moment du jeu. ça m'éclate de faire un jingle pourri. Un petit jingle, le jeu, c'est le jeu, c'est l'histoire du jeu, c'est le moment du jeu. C'est inspirant. C'est le moment du jeu. Le moment du jeu. Ouais. C'est le jeu. Rodolphe, je t'invite à sortir. Merci pour ta participation à cette émission. Au revoir. Salut Rodolphe. Donc Rodolphe sort. Caro, c'est simple. Je vais te donner 5 mots. Et tu vas simplement me donner le premier qui te vient à l'esprit en fonction de chaque mot. Maintenant qu'il est parti, on peut, on est bien. On peut parler de lui. Et puis, on le rappellera. Et il faut que vous ayez au moins un mot en commun. Le record est détenu actuellement par François de la Maison Fadjet. Avec un seul mot. Objectif, battre ça. Ok. T'es prête? All right. On peut mettre une petite musique un peu comme ça. C'est bien stressant. Premier mot, littérature. Complexité. Waouh. Plafond. Eau. Orphelin. Oh, triste. Planète. Exo. Marteau. Outil. Ok. Je veux bien que tu ailles chercher Rodolphe, s'il te plaît. C'est trop fou de se dire, on essaye de se mettre à la place de l'autre. C'est sûr qu'il en a pas un. Peut-être le dernier, peut-être à écouter. Mais je veux bien que tu le rappelles, s'il te plaît. C'est moi qui vais le chercher. Là, il ne nous entend pas. Je pense que tu es allé un chouï loin dans les mots. J'ai un petit doute quand même. Peut-être le dernier, mais ouais. C'était très compliqué. Hein. Rodolphe, est-ce que tu es prêt? Je t'avoue c'est très très compliqué. Oh bah allez loin, ouais. J'aurais peut-être eu le dernier, mais c'est tout. Mais c'est alors, pas, j'aurais je vais essayer d'aller loin aussi, du coup. Non, j'aurais rien dû dire parce que ouais, c'est ça, ça t'a influencé. Ouais. C'est parti. Littérature. Baudelaire. Plafond. Seul. Pardon, littérature, c'était pas ça, tu avais dit? Je sais plus. T'avais dit un mot vraiment très compliqué, je sais plus quoi. C'est une belle émission de radio, c'est une belle chronique. Plafond, pardon. Seul. Tu avais dit eau. Orphelin. Parent. J'avais ça aussi. Et elle a dit triste. Ah ouais. Planète. Saturne. Elle avait dit exo. Exoplanète. Ah ouais, mais toi, tu fais des... Ouais. Tu fais un peu des émotions, ouais, c'est vrai. Et le dernier. Et là, vraiment, je mise sur celui-là. Le mot, c'est marteau. Clou. Aïe, aïe, aïe. C'était outil. Peut-être celui-là. Mais marteau, clou, ouais, ça va bien ensemble. Eh bien, bravo. Désolé, on a zéro. Ah ben, non, c'est hyper chou de se dire, ah, il faut penser. Tu sais, c'est moi. Faut pas forcément penser comme lui. C'est toi, à quel mot ça te fait penser. Peut-être que lui, il a la même logique. Juste non, pas trop... D'autant que tu as pas non plus dit des choses perso. Bah non, parce que oui. Par exemple, marteau, ça me... Non, mais marteau, si t'as... Mais littérature, t'avais dit quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai dit complexité, parce que pour moi, j'ai un rapport à la littérature qui est complexe. Complexité, avait dit. Ouais, mais je dis Baudelaire. Ouais. C'est un peu moi, j'avais complexe. Livre, Baudelaire, vois. C'est un peu complexe. Ah oui, non, mais il faut être... Il nous reste à te remercier, Caroline, pour ce temps passé avec nous, pour la présentation de tes différents projets, de ta vie. On a été ravis de t'accueillir. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Eh bien, j'espère revenir, tout simplement, avec plaisir, dans quelques mois, avec, j'espère, d'autres projets, parler de comédie musicale. Et avec plaisir. On parlera de tout ça. Voilà. Et là, Rodolphe, je t'écouterai, Rodolphe, peut-être, parce que j'aurais pris plus de café. Vous pouvez écouter, évidemment, ces podcasts sur fadjet.net et sur Spotify, coup de théâtre, tout simplement. Rodolphe, le mot de la fin. Eh bien, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et t'es à deux doigts de chanter, hein. Ouais, j'ai envie de chanter. Ah ouais, je pourrais faire... Nous vous voulez que je chante un truc ou pas? Pas du tout. Ok. Là, eh bien, je ne chanterai pas, puisque vous ne le voulez pas. Merci à tous bientôt. Et à toutes. Bonne soirée. Salut, salut. Salut.